Thank you. Merci. Les chansons, ils s'appellent Bara. Bara, ça veut dire qu'il faut travailler. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas s'acheter les habits. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas avoir de bonnes choses. Donc le morceau, il s'appelle Bara. Tout le monde travaille. C'est ça. Il s'appelle Ami Barake. Assalamu alaikum. Ah, sama mbokk sénégalais yi xamna na ñu ngi fi kon jaajeufete mbokk sénégalais yi ak mbokk guinéen yi ak mbokk waaw xamna né fi amna wa sénégalais yi ñu ngi fi xamna ñom assu ñom gey ñom ñepp nga fi xamna né man ngeen andal jaajeuf kon nak dañ leen ñoo présenter ben thème bu nga xamantene manam ñu ko jëlé Sénégal lañ ko défé manam mbalax manam mah penda la dal mah penda ñoo fi ñew nar toj fi def fi am kaani domoda supu kanji lepp ci biir ah su boba nak mbal manding kolu ana kam moy laalu mbal konton na mbé mu naati la janto wala mu ning tulu woto tel na ta xérolé la I'm come from Africa, Senegal. Yeah.